الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. يمهل المذنبين Il accorde un délai aux pécheurs. ويقبل التائبين Et accepte les repentants. ويغفر للنادمين Et pardonne aux regrettants. ولا يهمل الظالمين Mais ne laisse pas les injustes sans sanction. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال رجل يا رسول الله. Un homme dit au messager de Dieu. متى الساعة. Quand est-ce qu'il y aura l'heure? فقال النبي صلى الله عليه وسلم le prophète prière et saillé sur lui dit فماذا أعددت لها qu'as-tu préparé pour elle l'heure c'est l'heure finale du monde فقال الرجل l'homme dit ما أعددت لها من كثير يعني صلاة ولا صوم ولا صدقة Je n'ai pas préparé pour elle beaucoup, ça veut dire de prières, de jeûnes ou d'aumônes, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Mais j'aime Dieu et son messager. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière et saillé sur lui dit Anta ma'a man ahbabt, satakun ghadan yawm al-qiyamah ma'a man ahbabt. Tu seras avec celui que tu as aimé, ça veut dire tu seras avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Fahubbullahi wa rasulihi yusilu ila al-jannah. L'amour de Dieu et de son messager mène vers le paradis. Walaw ma'a qalilin min al-ibadat, même avec un peu d'adoration, li'anna hubballahi wa rasulihi, parce que l'amour de Dieu et de son messager la yajtami'u fil qalbi ma'a hubbi ash-shahawati wal muharramat, parce que cet amour de Dieu et de son messager ne se réunit jamais dans le cœur avec l'amour des désirs et des interdits. Ilahi, raja'i, Seigneur et espoir, araftu al-hawa mud araftu hawaka, j'ai connu l'amour depuis que j'ai connu le tien, ça veut dire ton amour. وأغلقت قلبي عمن سواك et j'ai fermé mon cœur par rapport à ceux qui sont en dehors de toi. وقمت أناجيك يا من يرى et je me suis levé pendant la nuit pour parler avec toi, ô celui qui voit les secrets des cœurs et on n'arrive pas à te voir. يا من يرى خفايا القلوب ولسنا نراك عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك وقمت أناجيك يا من يرى خفايا القلوب ولسنا نراك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique الصادق الأمين يقول لنا il nous dit يقول ربكم votre Seigneur vous dit يا ابن آدم تفرغ لعبادتي او فيس دادون occupe-toi par mon adoration املأ قلبك غنا et je remplirai ton cœur de richesse واملأ يدك رزقا et je remplirai ta main de subsistance يا ابن ادم او فيس دادون لا تباعد مني املأ قلبك فقرا ne t'éloigne pas de moi car je remplirai ton cœur de pauvreté et je remplirai ta main par le travail, par l'occupation. ولكن هناك الفقر في قلبك وليس الغنى في قلبك رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد rapporté par l'imam al-Hakim qui l'a qualifié d'authentique. Ça veut dire tu auras beaucoup de travail, beaucoup d'entreprises, etc. Mais comme tu ne penses pas à Dieu, comme tu es loin de Dieu, Dieu mettra dans ton cœur la pauvreté. Jamais tu sentiras la richesse. سيدي أمير الأنبياء ماتر أمير دي بروفيت صلى الله عليك عدد نجوم السماء que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel ورمال الصحراء et au nom des sables du désert وأولاد آدم وحواء et au nom de la descendance d'Adam et Eve. أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى Salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. J'ai parlé dans le prêche ou la khutba du vendredi dernier an al-mashari' al-islamiyya. J'ai abordé les projets islamiques ou les projets musulmans. Et j'ai dit بأن المسلمين في هذه البلاد عليهم أن يعملوا ليكونوا أغنياء. J'ai dit que les musulmans doivent entreprendre, doivent bien travailler pour pouvoir s'enrichir. Limad al-ghina, limad anurid al-ghina. Pourquoi cherchons-nous la richesse? Hatta nansura hada ad-din fawqa hadhihi al-ard bi mu'assasat, bi madaris, bi misahat tatatallab al-mal, afin de d'assister notre religion sur ce, la terre de ce beau pays qui est la France, bien sûr avec des institutions comme des écoles, comme des cliniques, comme des cimetières, comme d'autres choses qu'on ne peut réaliser qu'avec la richesse et l'argent. Mais peut-être quelqu'un va dire après avoir entendu le discours, الإسلام يا أخي يفضل الفقر والفقراء. L'islam, mon frère, préfère, fait la promotion des pauvres et de la pauvreté. الإسلام يرفض الغنى والدنيا. L'islam refuse de la richesse et les biens de cette vie ici-bas. ولهذا أقول أيها الإخوة والأخوات, raison pour laquelle je dis mes frères et mes sœurs, cette compréhension de la religion est erronée et fausse. Et le malheur, c'est que beaucoup de musulmans pensent que la richesse est interdite. Tu le trouves riche, peut-être un milliardaire, mais il vit dans une crise. Mais il sent, même s'il est riche, il sent qu'il commet un péché. Il ne peut pas se séparer de sa richesse, mais en même temps il sent qu'il commet un péché avec Dieu subhanahu wa ta'ala, donc il vit mal sa richesse. Donc beaucoup de musulmans pensent que la richesse est interdite. Et pense que la pauvreté est recommandée ou préférable en islam. Et là se trouve l'ignorance par sa propre nature. Il s'agit là d'une injustice. Il s'agit là d'une erreur. Si la richesse était interdite, lama a'tahu Allah li nabiyhi Sulayman alayhi salam, Dieu l'offrirait pas à son prophète Salomon, prière et salut sur lui. Law kana al-mal haraman, dans le cas où la richesse était interdite, lama a'tahu Allah li nabiyhi Yusuf alayhi salam, Dieu l'offrirait pas à son prophète Joseph, prière et salut sur lui. Fa kayfa yumkinu li nabiyyin كريمين كسليمان ويوسف عليهما السلام أن يعيش أغنياء. Comment est-il possible que deux nobles prophètes, Salomon et Joseph, prière et salut sur eux, ont mené une vie de riche? والغنى حرام, et en même temps la richesse supposons interdite. ولو كان الغنى حراما, et dans le cas où la richesse était interdite, فلماذا أعطاه الله لصحابي جليل, pourquoi Dieu l'a accordé ou a accordé la richesse à un noble compagnon, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui était Uthman fils de Affan, que Dieu soit satisfait de lui. Uthman الذي كانت الملائكة تستحي منه, Uthman, dont les anges étaient pudiques à son égard. Les anges de Dieu étaient pudiques à l'égard de Uthman. فَهَلِ الْمَلَائِكَ تَسْتَحِي مِنْ إِنْسَانٍ يَعِيشُ بِالْحَرَامِ. Est-ce que les anges se montrent pudiques à l'égard d'un homme qui vit dans l'interdit ? وَكَيْفَ زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِبْنَتَيْهِ وَاحِدَةً بَعْدَ الْأُخْرَى لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Et comment est-il possible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de marier ses deux filles à Uthman l'une après l'autre ? لَوْ كَانَ الْغِنَى حَرَامًا. Je dis cela, ça veut dire comment le prophète a marié ses deux filles à un riche si la richesse était interdite. إِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِأَنَّ الدنيا حرام. Ceux qui disent que la vie ici-bas est interdite, les biens de la vie ici-bas sont interdits. وبأن المال حرام. Et comme quoi la richesse elle aussi est interdite. إما أنهم جاهلون. Soit qu'ils sont des ignorants. والجهل ليس بعذر. Et l'ignorance n'est pas une excuse. فالجاهل عليه أن يتعلم. L'ignorant doit apprendre. وإما أنهم أعداء. Ou bien ils sont des ennemis. يُرِيدُونَ لِلْأُمَّ أَنْ تَعِيشَ فِي الْفَقْرِ. Ils veulent pour cette nation de vivre, ils veulent pour la communauté musulmane de vivre dans la pauvreté. يُرِيدُونَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعِيشُوا ضُعَفَاء. Ils veulent pour les musulmans de rester faibles. يُرِيدُونَهُمْ عَبِيدًا لَهُمْ. Ils cherchent à ce que les musulmans restent des esclaves pour eux. وَقَدْ سَادَتْ هَذِهِ الْفِكْرَةِ لَمَّا ابْتَعَدْنَا عَنِ الدِّينِ. Cette idée s'est répandue lorsque on s'est éloigné de la religion. فَأَكْثَرْ مِنْ مِلْيَارٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Plus qu'un milliard de musulmans sur le globe terrestre, al-yaoum, aujourd'hui, ya'ishuna fi aswa'i dhuruf, vivent dans des conditions mauvaises, insupportables, désagréables. Ya'ishuna bi aqall min al-mustawa al-adna. Ils vivent en dessous du seuil minimum. Wa aqulu li ha'ula'i alladhina yuharrimuna al-ghina wal amwal. Je dis à ceux qui interdisent la richesse et les biens que Dieu a créés, ma qala Allah ta'ala wa tabarak, ce que Dieu a dit dans un verset coranique, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Dis, qui donc a interdit la parure de Dieu qu'il sortit à ses serviteurs, ainsi que ce qui est bon et pur des biens octroyés? Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra min suratin ukhra, Dieu dit dans un autre verset coranique qui se trouve dans un autre chapitre, ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum wa la ta'tadu hada i'tida' wa la ta'tadu. Ô vous qui avez cru, n'interdisez pas la jouissance correcte de ce que Dieu vous a permis et ne commettez pas d'agression. Lorsqu'on interdit cela, c'est une agression. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin, car Dieu n'aime pas les agresseurs. Wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba, mangez de ce que Dieu vous a octroyé de licite et de bon. Wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, et craignez pieusement Dieu auquel vous êtes croyants. ولو كان الفقر والجوع وقلة المال مفضلا في الإسلام. Dans le cas où la pauvreté, la famine, le peu de biens était interdit ou préférable en islam, لما جعله مصيبة من المصائب. Dieu n'allait pas faire de ces trois des calamités ou des malheurs avec lesquels il punit quelques-uns de ses serviteurs. قال تعالى ما يمكن أن الفقر مفضل في الإسلام ويقول لك أنا الله سأصيبك بمصيبة الفقر. وليش هذه مصيبة؟ هذه نعمة إذا. سأعطيك نعمة، ما يقول لك الله أنا سأعطيك مصيبة. إذا كان الفقر مليح، هو يعطيك حاجة مليحة إذا. لا، الله عدها مصيبة الفقر، مصيبة الفقر. قال تعالى، Dieu dit dans un verset coranique: ولنبلونكم ولنمتحنكم ولنأتيكم بالمصيبة، الابتلاء مصيبة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والجوع ونقص من الأموال، الأموال تنقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ما في ثمار، في جفاف، والثمرات وبشر الصابرين. لماذا بشرهم الله؟ لأنهم صبروا على هذه مصيبة الفقر أو على هذه مصيبة الجفاف إلى غير ذلك. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، الفقر مصيبة، الجفاف مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous vous éprouverons sûrement un tant soit peu par la peur, la famine. Donc la famine est une épreuve, est un malheur. La famine, la réduction des biens. Donc la réduction des biens est comptée par Dieu comme une épreuve, comme un malheur, comme une calamité. La réduction des biens, des personnes et des récoltes. La réduction des récoltes, il y a la sécheresse, il y a autre chose. Donc c'est une épreuve, c'est une calamité, c'est pas bien. Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Alladhina idha asabatuhum musiba, ceux qui, lorsqu'une calamité les touche, donc Dieu compte tout cela comme des calamités, lorsqu'une calamité les touche, disent nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous devons retourner. إذن فالله تعالى وتبارك جعل الجوع والفقر ونقص الأموال والثمرات مصيبة من المصائب العظمى. Donc Dieu a fait de la pauvreté, de la famine, de la réduction des biens et des récoltes un malheur parmi les plus grands malheurs. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه. Raison pour laquelle le prophète صلى الله عليه وسلم disait dans ses invocations اللهم إني أعوذ بك من الجوع. لو كان الجوع محببا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الله أن يبعد منه الجوع والجوع حبيب؟ اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. من القائل؟ محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن الجوع بأنه بئس الضجيع، كان يقول خير ضجيع، بئس الصاحب هو الجوع، أخيب صاحب. لماذا لم يقل أحسن صاحب؟ اللهم إني أعوذ بك من الجوع، يا رب احمني من الجوع، فإنه بئس الضجيع. رواه الإمام أبو داود بإسناد صحيح. Ô Seigneur, je me protège auprès de toi contre la famine parce que elle est le pire des compagnons. Donc le prophète a demandé la protection contre la famine et il a dit que c'est la pire des compagnons. Il n'a pas dit c'est le meilleur ou c'est la meilleure des compagnons. Rapporté par l'imam Abu Daoud qui l'a qualifié d'authentique. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yatlubu fi du'a'ihi al-ghina. Le prophète priait et s'assoit faisait ou demandait à Dieu dans ses invocations la richesse. Kana yatlubu al-ghina. Wa law kana al-ghina haraman aw makruhan lama talabahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Dans le cas où la richesse était interdite, le prophète ou déconseillé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la demanderait pas à Dieu. Kana yaqul, il disait Allahumma inni as'aluka al-huda. Ô Seigneur, je te demande la guider ou la bonne orientation. Wa tuqa et la piété. Wal afaf wal ghina et la chasteté et la richesse. Rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi, rapporté par l'Imam Muslim dans son authentique. Yani mlih ikun al-ghina walakin ma al-ghina ikun al-afaf wa al-tuqa. C'est bien d'être riche, mais avec la richesse, c'est bien d'avoir la chasteté et la piété et la crainte de Dieu. Wa aqulu kadhalik lil ladina يظنون بأن الإسلام ضد المال وضد الغنى. Je dis à ceux qui pensent que l'islam est contre la richesse ou contre les fortunes. لو كان هذا صحيحا. Dans le cas où ceci était vrai. لهدمنا ركنين من أركان الإسلام الخمسة. Nous, à ce moment-là, nous allons détruire deux parmi les cinq piliers d'islam, وهما الحج والعمرة, qui sont le pèlerinage et la وهما الحج والزكاه, qui sont le pèlerinage et la zakat. فالحج والزكاه لا يقوم بهما إلا أصحاب المال. Parce que le pèlerinage et la zakat ne peuvent être accomplis que par les riches. ومال الزكاة يأخذه الفقراء. Et l'argent venant de la zakat est donné aux pauvres. ولولا الأغنياء لضاع الفقراء. Et sans les riches, les pauvres allaient être en danger. ولو كان كل الناس فقراء. Et dans le cas où tout le monde était pauvre, لتوقف الحج, il n'y aurait plus de pèlerinage. من سيحج والناس كلهم فقراء في العالم الإسلامي. وتوقفت الزكاة. Et il n'y aurait plus de zakat. ولو كان الإسلام ضد الغنى. Dans le cas où l'islam était contre la richesse, لما فرض الزكاة على الأغنياء. Dieu n'allait pas imposer ou prescrire la zakat pour les riches. وجعلها عبادة لهم. Et il ne ferait pas de la zakat une adoration pour les riches. الزكاة عبادة للأغنياء. La zakat est une adoration de Dieu pour les riches. ولما اختار الأغنياء لزيارة بيته وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم. Dans le cas où la richesse était interdite, Dieu ne choisirait pas les riches pour rendre visite ou pour visiter sa maison sacrée, la Kaaba, et la mosquée de son prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. ولو كان الإسلام ضد المال والغنى. Et dans le cas où l'islam était contre la fortune et la richesse, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui ne dirait pas من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Celui qui construit pour Dieu une mosquée, Dieu en contrepartie lui construira une maison dans le paradis. فصاحب المال هو الذي يستطيع بناء مسجد. C'est celui qui a une fortune qui peut construire une mosquée. والحصول على بيت في الجنة. Et peut avoir une maison dans le paradis. لو كان الإسلام ضد المال والغنى. Si l'islam était contre la richesse et les fortunes, لما أمر المؤمنين الجهاد بأموالهم وأنفسهم. Si l'islam était contre la richesse, Dieu ne demanderait pas aux musulmans d'accomplir le jihad avec leurs biens et avec leurs personnes. Et là, il y a une préférence des riches par rapport aux pauvres. Parce que le riche peut faire le jihad avec sa personne et avec ses biens. أما الفقير فلا يجاهد إلا بنفسه. Mais le pauvre ne peut faire le jihad qu'avec sa personne parce qu'il n'a pas de bien. والأدلة في هذا الاتجاه كثيرة. Les arguments dans ce sens sont très très très nombreux. ولكن ربما يقول قائل. Mais peut-être quelqu'un va se poser la question. فما معنى الآيات والأحاديث الكثيرة التي تحذر من الدنيا والغنى والأموال. Mais mon frère, quel est donc le sens de ces nombreux versets coraniques et de ces nombreux hadiths qui menacent, qui avertissent de la vie ici-bas, des biens de la vie ici-bas, de la richesse et des fortunes. الجواب, la réponse. إن الله تعالى وتبارك الذي خلق البشر. Dieu le Très-Haut qui a créé l'humanité. Il connaît leur nature avec précision. C'est lui le créateur. Et la nature de l'homme, c'est l'amour de la fortune et l'amour de la richesse. Ainsi Dieu nous a créés. Comme Dieu l'a dit. Et vous aimez l'argent d'un amour sans fin. Et Dieu a dit de la même manière à propos de l'humain. وإنه لحب الخير حب المال وإنه لحب الخير لشديد. Il est vraiment opiniâtre dans son amour des biens de ce monde. وقال كذلك, Dieu de la même manière a dit dans un autre verset coranique, إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Mais en vérité, l'homme outrepasse certainement la mesure dès qu'il se voit enrichi. فحب الإنسان الطبيعي للمال والجاه, l'amour propre, l'amour naturel de l'homme aux richesses et aux biens de ce bas monde, ممكن أن يدفعه, cet amour peut le pousser إلى جمع المال والثروة, à amasser les fortunes et la richesse, ولو عن طريق غير مقبولة, même par le biais d'un chemin inacceptable, illicite, إما عن طريق السرقة, soit par le biais du vol, ou il riche, ou par le biais de la tromperie, ou il haram, ou par le biais de l'interdit, al-sihr, la sorcellerie, al-zina, la fornication, bay' al-muharramat, le commerce des choses interdites comme la drogue, etc., al-mukhaddirat, ou il qatl, ou même le crime, yaqtul ya'khud mal al-maqtul, il tue pour prendre l'argent de la personne assassinée, il a akhiré, etc. Wa kadhalik يمكن أن يكون المال حلالا. Il est aussi possible que l'argent, la fortune soit licite, halal. ولكن صاحب المال, mais le propriétaire de la fortune, من شدة حبه للمال, par son amour excessif à l'argent, يصير بخيلا. Il devient avare. فلا يخرج الزكاة, et il n'acquitte pas la zakat. ولا يساعد الفقير بالصدقة, et il n'aide pas le pauvre par l'aumône. وربما يكون المال حلالا. Il se peut que l'argent soit licite, halal, ولكن صاحبه سيبدره في الحرام, mais son propriétaire va le gaspiller, va le délapider dans l'interdit, من أجل مرضات شهواته, afin de satisfaire ses propres désirs. ربما يكون المال حلالا. Il se peut que l'argent soit licite, halal, ولكن يدفع صاحبه ليصير طاغيا, mais il pousse son propriétaire à devenir un tyran, un dictateur avec les autres, أن يكون متكبر, à être un orgueilleux devant les autres. ولهذا تدخل الإسلام ليحذر من عدم اتباع هذه الاتجاهات الخاطئة. Raison pour laquelle l'islam a intervenu pour nous avertir de suivre ces directions qui sont mauvaises. وفلسفة الإسلام تجاه المال, la philosophie de l'islam envers l'argent et la fortune, أنه وسيلة وليس هدفا. La philosophie de l'islam, et retenez-la, c'est que la fortune est un moyen et non pas un but. La fortune est un moyen pour réaliser un but, un objectif, pour atteindre un objectif. Ce but, c'est la satisfaction de Dieu le Très-Haut. L'homme ne doit pas adorer la fortune ou les biens. L'homme doit adorer celui qui lui a donné la fortune. Et afin que l'individu ne fasse pas de la fortune une idole, une statue devant laquelle il va s'incliner et adorer, l'islam lui a demandé la purification de son âme, de purifier son âme. وذلك بالصلاة, et ceci avec, par la prière, بالصيام, par le jeûne, بقراءة القرآن, par la récitation coranique, وذكر الله, par l'évocation de Dieu, إلى آخره, etc. ليصير من المتقين, afin de devenir parmi les pieux. لأن الصيام يؤدي إلى التقوى لعلكم تتقون, parce que le jeûne mène vers la piété, peut-être vous seriez des pieux. ليصير من المتقين, afin de devenir parmi les pieux. ليصير من المحسنين, afin de devenir parmi les excellents, parmi les bienfaisants. لِيَصِلَ إِلَى دَرَجَةٍ afin de devenir, afin d'arriver vers le niveau أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّهُ يَرَاهُ, le niveau d'adorer Dieu comme s'il le voyait. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ, et dans le cas où il n'arrive pas à voir Dieu, au moins il doit savoir qu'il est vu par Dieu. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ مِنَ التَّقْوَى, celui qui arrive à ce niveau de la piété, جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي فِي الْأَسْوَاقِ, il lui est possible à ce moment-là de faire le commerce dans les marchés, de vendre et d'acheter, وَأَنْ يَتَعَامَلَ مَعَ النَّاسِ بِالْمَالِ, et de conclure des affaires avec les gens ou de tirer des bénéfices, وَأَنْ يَجْمَعَ الْمَالِ, et d'épargner ou d'amasser la fortune, وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِ, sans aucune crainte pour lui. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, صَلَاةَ الْجُمُعَةِ, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, ليش ننتشر في الأرض, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dieu nous dit dans un verset coranique, une fois la prière terminée, la prière du vendredi, répondez-vous sur terre. Pourquoi on se répond sur terre? Rechercher quelque effet de la générosité de Dieu et évoquer beaucoup Dieu, peut-être récolterez-vous le succès. Wa qala ta'ala, Dieu dit dans un autre verset coranique, wa ahalla Allahu al-bay'a raghma anna al-bay' ya'ti bil arbah al-kabira al-kabira al-kabira at-tijara ta'ti bil arbah. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana tajiran qabla an yusbih nabiyan, ولكن كان الصادق الأمين مش الغاش أو الحرامي, لا, كان الصادق الأمين فين؟ في التجارة. وأحل الله البيع, مين قال حرم الله البيع؟ وأحل الله البيع, البيع يأتيك يا أخي بأرباح بإذن الله تعالى, وخصوصا إن كنت صادقا وتخرج الزكاة إلى غير ذلك. وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا, et Dieu a permis le commerce, sachant que le commerce apporte beaucoup de bénéfices, des bénéfices exponentiels. Dieu a autorisé le commerce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était commerçant avant de devenir messager, mais il était un commerçant sincère et véridique et non pas un tricheur. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى, et Dieu a permis le commerce et a interdit l'intérêt. وَسِيَاسَةَ الْإِسْلَامِ, la politique de l'islam, هِيَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ قَوِيًا, c'est que le musulman doit être fort, puissant. فِي جَمِيعِ الْمَيَادِينِ, dans tous les domaines, فِي الْجَسَدِ وَالصِّحَةِ, dans le domaine de son corps et sa santé, il doit être fort. يكون قوي في الجسم في الصحة بالرياضة في العلوم والمعرفة, le musulman doit être fort dans la connaissance et dans le domaine de la science. في العبادة يجب أن يكون المسلم قويا في العبادة, le musulman doit être aussi fort dans le domaine de l'adoration de Dieu. في الاقتصاد, le musulman doit être aussi fort, où les pays musulmans doivent être forts dans le domaine de l'économie. الدول الإسلامية يجب أن تكون قوية في الاقتصاد. ما تكون دول مسحوقة تطلب غيرها تتوسل عند أعتاب غيرها. وفي الدفاع المسلم يجب أن يكون قويا, الدولة المسلمة يجب أن تكون قوية في الدفاع حتى تدافع عن أرضها. Et le musulman doit être aussi fort dans le domaine de la défense. Le pays musulman doit être fort dans le domaine de la défense. Ainsi, il peut défendre son territoire et défendre ses citoyens. Comme tous les pays du monde, comme tous les pays du monde, musulmans ou non musulmans. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, كما لدي للبروفيت صلى الله عليه وسلم, اليد العليا خير من اليد السفلى, la main supérieure est meilleur que la main inférieure. وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةِ. Et la main supérieure est celle qui est donneuse ou donatrice. وَالسُّفْلَا هِيَ السَّائِلَ. Et la main inférieure est celle qui est demandeuse. Muttafaqun alayh al-Bukhari wa Muslim. Unanimement authentique al-Bukhari et Muslim. Al-yad al-ulya khayrun min al-yad al-sufla. La main supérieure est meilleure que la main inférieure. Al-yad al-ulya yaqul an-nabi hiya sahibat al-mal, hiya al-ghaniyya al-munfiqa. La main supérieure, d'après le prophète, est celle qui donne l'argent, qui est riche, qui donne au nom de Dieu pour accomplir, comme ce que nous avons dit dans le vendredi dernier, des projets musulmans. Nous voulons faire des projets en France. Où est le mal? Où est le mal? Où est la yad al-ulya? On veut maintenant faire des projets pour les musulmans en France. Où est l'argent? Où est la main supérieure des musulmans? Les musulmans dans leur majorité des mains inférieures. Al muslimin fi Faransa fi aktariyatihim ayadi soufla. Ayadi soufla. Muttafaqun alayhi. Unanimement authentique. Al yadul ulya hiya yadul ghani, sidil ghani. Alladhi yakhaf Allah ka Uthman ibn Affan. Alladhi li wahdihi radiyallahu anhu. أعد جيش العسرة. La main supérieure est celle du riche, de notre maître, le riche, comme Uthman, que Dieu soit satisfait de lui, qui à lui seul, il a financé l'expédition. قلنا غزوة. L'expédition de la difficulté où les musulmans étaient en difficulté. Et la main inférieure est celle du pauvre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bayyana huna bi anna al-ghaniya khayrun min al-faqir. Huwa qala al-yad al-ulya khayrun. Là, le prophète sallam a montré que le riche est meilleur que le pauvre. Il a dit la main supérieure est meilleure. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. النبي هو اللي قال صلى الله عليه وسلم مش أنا. وعلى كل مسلم أن يحاول الوصول إلى الغنى. Et chaque musulman doit faire tout son nécessaire, doit fournir des efforts afin d'être riche, afin d'atteindre la richesse. للاستغناء عن الآخرين. Afin d'être indépendant par rapport aux autres, afin de ne pas demander donnez-moi, je n'ai pas quoi manger. حَتَّى لَيَقُولِ الْآخَرِينَ اُعْطُونِي. احنا بالمثل الدارجي المغربي نقول كلمة اعطيني ما تخلي من يبغيني. دائما اعطيني اعطيني. يا اخي اعمل يا اخي كن رجلا. Le proverbe marocain dit la répétition de donnez-moi ne laisse personne m'aimer. Mon frère, au lieu de dire donnez-moi, travaille, subhanallah. Tu es en vie, tu es dans le monde, cherche un travail, travaille, et amal. Kun rajulan, sois un homme. L'istighna an tariq al-amal al-halal. Devenir riche, mais par le biais halal. La nuridu al-ghina al-haram. On n'aime pas, on ne veut pas la richesse interdite. فكيف يستطيع بعد كل هذا أن يقول قائل. Comment après toute cette liste large et longue, quelqu'un peut dire al-islam ضد al-ghina. Comment quelqu'un puisse-t-il dire que l'islam est contre la richesse. وعلينا أن نكون فقراء. كيف واحد يقول علينا أن نكون فقراء يا أمة الإسلام كوني فقيرة. Et comment quelqu'un puisse-t-il nous dire aux musulmans soyez pauvres, aux communautés musulmanes, aux pays musulmans soyez pauvres. وليس أغنياء. Et ne soyez pas des riches. علينا. كيف واحد يقول لنا اليوم علينا أن نكون من أصحاب اليد السفلى. Comment quelqu'un maintenant peut nous dire on doit tous être parmi ceux qui ont la main inférieure. Fa'al nattabi'u. Doit-on le suivre? أم نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو doit-on suivre le messager de Dieu, prière et salut sur lui. يقول النبي عليه الصلاة والسلام le prophète prière et salut sur lui dit في حديث رواه الإمام البخاري. Il dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا. Tant que ou un jour Job, prière et salut sur lui, était en train de se laver nu. فخر عليه جراد من ذهب. جراد مش جراد عادي لا جراد ذهب. جراد ذهب يتحرك فيه روح يتحرك بإذن الله تعالى وتبارك. هذا حديث رواه البخاري مش حكاية. Lorsqu'il se lavait nu, des sauterelles faites en or tombaient sur lui ou autour de lui. Des sauterelles en or, pas des sauterelles naturelles. Il ne s'agit pas d'un... il ne s'agit pas là d'une histoire imaginaire. Là, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Des sauterelles que Dieu a rendues en or. C'est un miracle. هذه معجزة إلهية. فجعل أيوب يحثي في ثوبه. يعني أيوب يا أيوب يقول هذا حرام وما أنا نبي وما عندي مندير بهذا الذهب. كما يقول الناس عندنا في البلد يقول لك خنز الدنيا. ولما تصير مشكل بينك وبينه في المال ما يبقاش خنز الدنيا يتقاتل معك عليه. خنز الدنيا غير باش ياخذوه من عندك. هذه هي الحيلة. فجعل أيوب يحثي في ثوبه. Et Job a commencé à mettre les sauterelles dans ses vêtements. Il a pris ses vêtements, il a commencé à remplir ses vêtements de sauterelles en or. فناداه ربه عز وجل. Et son Seigneur, le Très-Haut, l'appela. يا أيوب, ô Job, ألم أكن أغنيتك عما ترى. Est-ce que, ou ne t'ai-je pas rendu riche par rapport à ce que tu vois comme des sauterelles en or? قال أيوب. أيوب a répondu, بلا وعزتك. Par ta puissance que oui. ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذه بركة إلهية. وأنا لن أكون أبدا غنيا عن بركتك. أنا دائما أطلب بركة الله. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الأنبياء دائما في حاجة إلى البركة. دائما ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. البركة لا يشبع منها حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا غنى بي عن بركتك. Par ta puissance que oui, mais j'ai toujours besoin à ta bénédiction. فطلب زيادة المال ليس حراما في الإسلام. Donc demander la croissance ou demander l'augmentation ou rechercher encore plus la richesse, ceci n'est pas interdit en Islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et s'assoit dit لا حسد. لا حسد لا تعني الحسد الحرام. الحسد الحرام هو أن تتمنى زوال النعمة عن المحسود. هذا حرام. يعني هنا لا منافسة لا غبطة لا منافسة. لا حسد بمعنى غبطة ومنافسة. Nul envie. Et l'envie là ne signifie pas l'envie interdite, la jalousie ou l'envie interdite, qui est le fait de souhaiter, demander, aimer que le bien quitte le jalousé ou la personne jalousée ou la personne enviée par moi. Ça, c'est interdit. Le prophète dit nulle envie, ça veut dire nulle concurrence légale, loyale. La hasada illa fitnain. Nulle concurrence ou nulle envie légale que dans deux cas. إلا في اثنين. رجل آتاه الله القرآن. Un homme auquel Dieu a apporté ou a donné ou a accordé le Coran. فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. Il est en train de le lire et de le mettre en pratique pendant les parties de la nuit et les parties du jour. ورجل آتاه الله مالا. من القائل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يجوز لنا المنافسة معه. منافسة حلال أن نصبح مثله مثل هذا الغني الذي آتاه الله مالا. Et un homme auquel Dieu a accordé une fortune, ça veut dire le prophète nous autorise la concurrence pour devenir comme celui-ci, comme ce riche. ولكن انظروا ماذا يفعل هذا الغني. Mais regardez ce que ce riche fait. فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. من يقول بأن هذا حرام؟ يكون عندي مال وأنفقه بالليل وبالنهار وأنا ملياردير يا أخوي. من قال بأن هذا حرام؟ ولكن تجعل مالك في الزنا وفي الحرام وفي هذا حرام. أما المال في حد ذاته فهو ليس بحرام. ماذا تفعل بالمال هو الذي يرد المال حلالا أو حراما. فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Il est en train de le dépenser pendant les parties de la nuit et les parties du jour. Qui a dit que cela est interdit? Avoir l'argent, être milliardaire et dépenser sur le sentier de Dieu et dépenser au nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alayh, al-Bukhari wa Muslim. Unanimement authentique, al-Bukhari et Muslim. Fal-munafasa, hasab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, halal fil islam. Donc la concurrence selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est licite halal en islam. Fi maydan talab al-ilm al-shar'i wa talab al-mal al-halal, la concurrence est licite dans le domaine de l'apprentissage des sciences religieuses, coraniques, etc. et dans la recherche de la fortune halal. Wa law kana al-mal wa talabuhu haraman lama abaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-munafasa alayhi fi hadha al-hadith. Dans le cas où la fortune était interdite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autoriserait pas dans ce hadith. Ayyuha al-ikhwatu al-kiram, mes frères et mes sœurs, min bayni asbabi ziyadat al-mal, parmi les moyens de croissance ou d'augmentation des fortunes, huwa shukrullah, et le remerciement de Dieu, ta'ala wa tabarak, le très haut et le tout béni. Fa huwa alladhi yu'ti, c'est lui qui donne. Wa huwa alladhi yamna, et c'est lui qui prive. Huwa alladhi yughni, c'est lui qui enrichit. Wa huwa alladhi yufqir, et c'est lui qui appauvrit. Qala ta'ala, Dieu dit dans un verset coranique, la in shakartum la azidannakum, yani min fadli wa min joudi wa min karami. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, assurément si vous rendez grâce je vous donnerai encore plus. فَزِيَادَ سَبَبُهَا الشُّكْرُ, la croissance ou l'augmentation a pour origine le remerciement. وَالشُّكْرُ هُوَ طَاعَةُ اللَّهِ, et le remerciement est le fait d'obéir à Dieu. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, le prophète prière et ça je lui dis, رَجُلٌ بَيْنَمَا كَانَ رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلَاتٍ مِنَ الْأَرْضِ, tandis qu'un homme marchait dans une terre déserte ou sur une terre déserte, فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَ, il a entendu une voix venant d'un nuage. بِإِذْنِ اللَّهِ, grâce à Dieu. اِسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانَ, arrose le jardin ou le parc de telle personne. صَوْتٌ فِي السَّمَاءِ يَسْمَعُهُ الرَّجُلُ, une voix venant du ciel qui parle avec le nuage et qui lui dit, arrose le parc de telle personne. Et tout à coup, le nuage a fait une déviation pour aller là où on lui a demandé. La ilaha illallah. As-sahab taghayyar, kan yamshi huna fataghayyar yamshi ila huna atahu al-idn. Fa'afragha ma'ahu fi harra. Et il a vidé, le nuage a vidé son eau sur une terre pierreuse. Harra yani fiha hijara. فَإِذَا شَرْجَ يَعْنِي مَسِي الْمَا, et tout à coup il y a eu un cours d'eau qui prenait l'eau. فَقَدْ اسْتَوْعَبَ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ, l'homme a suivi le cours d'eau. تَتَبَّعْ مَسِيرَ الْمَاءَ, oui, الْمَاءَ يَمْشِي. فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ خَفِ اللَّهُ وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبْ كن مع الله ويرزقك الله بألطافه. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته إلى أرضه. Et il a vu, à la fin, il a vu un homme dans son parc en train de changer le cours d'eau vers son terrain. فقال له يا عبد الله, il lui dit, ô serviteur de Dieu, masmou, quel est ton nom, comment t'appelles-tu? قال فلان, il dit فلان, il a donné son nom, للاسم الذي سمع في السحابة, et l'homme a cité le nom qui a été venu du nuage. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي, l'homme du parc demanda à cet homme visiteur, pourquoi me demandes-tu mon prénom? فقال إني سمعت صوتا في السحاب, il lui a dit, j'ai entendu une voix venant du nuage. On n'est pas dans les rêves, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mahnash fil hulum, hada hadith sahih. قال سمعت صوتا في السحاب فإني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لإسمك. Il lui a dit, j'ai entendu une voix venant du ciel, du nuage, qui dit, arrose le parc de Foulain, de telle personne, il a cité ton nom. Fama tasna fiha, qu'est-ce que tu y fais, c'est-à-dire dans ce terrain? Faqala, il a répondu, ar-rajul salih, l'homme vertueux a répondu, sahib hadi al-karam, ar-rajul salih, sahib hadi al-karam, qal, l'homme vertueux qui a eu ou qui a reçu ce miracle dit, ama idh qulta, comme tu as cité ça, je vais te dire, sinon je dirai jamais. Ama idh qulta fa inni anzuru ma yakhruj minha, j'attends la récolte de mon terrain. Antadir al-kharaj, yani al-thimar tab'a hadha, fa atasaddaqu bi thuluthihi, et je donne comme aumône le tiers. Wa akul ana wa 'iyali thuluthan, et je consomme moi et ma famille le tiers. Et j'y remets le tiers, c'est-à-dire dans le terrain. Rawahu l'imam muslim fi sahihihi, rapporté par l'imam muslim dans son authentique. Fakathirun minan nas yukhti'un wa yadhunnuna bi anna ziyadat al-mal takun bi adam as-sadaqa wa az-zakat, beaucoup de gens se trompent et pensent que l'augmentation de l'argent, de la fortune, a lieu grâce au manque de l'aumône et au manque de zakat, ou bien par la tricherie et le mensonge, ou par l'interdit, et oublie que l'augmentation a lieu grâce à l'adoration, l'obéissance à Dieu. Akhi, ukhti, frère, sœur, idha kunta ma Allah, si tu es avec Dieu, wa shakarta Allah, si tu as remercié Dieu, wa ata'ta Allah, si tu as obéi à Dieu, hafidha malak, c'est lui qui va protéger ta fortune. Anta ghaib, tu es absent. Anta na'im, tu es en train de dormir. Anta musafir, tu es en voyage. Wallahu yahfadhu laka malik, malak wa huwa khayrul hafidhin, et Dieu lui-même te protège ta fortune là où elle se trouve, et il est le meilleur des protecteurs. Wa yunammi laka malak, et il fortifie pour toi ta fortune. Wa zada fihi wa baraka laka fihi, et il l'augmente et il la bénit, c'est-à-dire ta fortune pour toi. Wa fil akhir as'alu Allah ta'ala wa tabarak an yaj'alana fi hadhihi al-bilad min ibadihi al-aghniya ghinan halalan غنى مع تقى وعفاف وهدى, لا غنى مع حرام ومع بدعة ومع رديلة. يا رب اعطينا المال واعطينا معه الفضيلة والتقى برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعلنا البنات لركائز الإسلام ودعائم الإسلام ومؤسسات الإسلام في هذه البلاد, وتقبل منا هذا العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.